je suis caché dans le frigo. Dernière parole du noob. Cache-cache dans le hangar, j'ai une roquette et le flow d'un bar. Mon pote campe dans le placard, mais moi je vise la porte du hasard. Cache-cache à l'explosif, quand tu me trouves c'est pas festif. Rider skill planqué dans la lumière, et les viewers crient c'est la guerre. Un piège à la clé, tu rentres, t'exploses, y'a rien à looter. J'stream avec style, en peinant bon cœur, t'as cliqué trop tard, j'vais tâter. On joue à la guerre comme à un jeu, avec des pièges et des cris peureux. Mais quand Riders qui rigole dans le son, c'est que t'es foutu champion.